Le locataire de Sir Gaspard par Marie-Elisabeth Braddon. Tome 1er, chapitre 1er. Comment il vint à Scarsdale. À 7 heures, par une belle et sèche soirée d'octobre, le soleil se couchait, éclatant, derrière les grands murs délabrés et les croisées nues du château de Roxborough. Des rayons rougeâtres se reflétaient sur les larges et belles eaux de la Mildred. Des taches brillantes se voyaient sur les vitres des fenêtres, faisant face à l'ouest, dans la vieille et étrange ville de Roxborough. Dans le parc de Sir Gaspard Denison, et dans les bois qui entouraient le grand vieux domaine, de longues bandes lumineuses tombaient obliquement entre les troncs bruns des arbres et se perdaient au loin dans l'obscurité de la fougère. Il était 7 heures, et l'express de Londres, qui arrive à 7h20 à Roxborough, doit amener le locataire de Sir Gaspard, le personnage inconnu qui a loué certaines modestes habitations ou rendez-vous de chasse, caché profondément au milieu des bois de Scarsdale, et loué meublé par le baron, et chaque fois que quelque respectable locataire voulait bien donner un prix convenable, pour avoir une maison retirée dans une localité pittoresque. Cette retraite était connue sous le nom de l'Ermitage. Ce titre romanesque lui avait été donné autrefois par quelque sentimental occupant. Il y avait une histoire qui s'y rattachait, une tragique histoire, telle qu'il appartient généralement à un endroit de cette espèce d'en avoir. Une femme infidèle, un rendez-vous à minuit, la trahison d'un domestique et une surprise, une femme enfermée dans une chambre intérieure criant et regardant à travers le trou de la serrure, un duel à mort, puis une fuite à cheval à travers les bois sombres, la campagne découverte, la route fangeuse menant au faubourg de Londres, une enquête à l'Ermitage, un homme suicidé trouvé complètement roide et sans vie dans un hôtel garni de Londres, et en dernier lieu, une femme folle passant sa triste vie pendant 25 misérables années dans la grande maison au fond du parc, ne prononçant jamais une phrase suivie durant toutes ces années, mais dans les accès de sa folie, faisant toujours les mêmes choses, répétant toujours les mêmes mots, et regardant toujours par le trou de la serrure, en frappant avec des mains furieuses contre une porte, et en criant qu'on venait de commettre un meurtre dans la chambre à côté. Il y avait plusieurs versions de cette histoire qui lui donnaient en quelque sorte l'apparence d'une légende. On racontait qu'elle se rattachait à une noble race éteinte, et à une époque où les hommes portaient sur la tête une perruque fantastiquement frisée, et de minces rapières au côté, toujours prêtes pour une rencontre ressemblant à un assassinat dans des rues mal éclairées, ou pour un duel à mort dans quelque chambre solitaire fermée au verrou. Rien n'aurait pu mieux convenir à un artiste amateur à la recherche d'un sujet pour une aquarelle que l'ermitage situé au fond d'un ravin profond dans les bois de Scarsdale, avec d'épaisses fougères s'étendant à la gauche de ses affreux murs noirs et un étang sombre qui s'ouvrait encore à la droite de la vieille porte couverte de lierre, surmontée par un écusson de pierre, qui marquait les limites d'un jardin qui n'existait plus. Dans une aquarelle, rien n'aurait été plus délicieux que les bizarres pignons et les piles massives des cheminées, les petits carreaux des fenêtres, l'étroite porte très ornée avec des clous et des boutons en fer rouillé, les taches verdâtres de la mousse et les plantes parasites poussant et rampant sur les murs, le bois vermoulu du porche, et l'aspect général de décadence et de désolation qui envahissait la maison et tout ce qui l'environnait. Les temps sombres avec un héron solitaire y buvant, que les hérons sont altérés dans les aquarelles, auraient fait merveille dans Suffolk Street, Pall Mall. Un membre de l'école pré-raphaélite aurait tiré grand parti des profondeurs de ses fougères et probablement aurait encore été plus tenté d'exercer son principal talent à reproduire ses feuilles larges comme des éventails, ses délicieuses gradations du jaune fauve au rouge brun foncé, du plus tendre vert émeraude au vigoureux teint pourpre et au sombre vert noirâtre. Considéré sous le rapport de l'art, l'ermitage était une perfection, mais en le regardant comme la résidence d'un gentleman et de son domestique, on pouvait différer d'opinion sur ses mérites. Naturellement, l'agent de Sir Gaspard Denison, un commissaire-priseur de West End, décrivait l'ermitage dans ses annonces comme un petit paradis, éminemment approprié aux exigences du plus difficile célibataire vivant. L'ermitage avait été pendant longtemps vacant, et l'annonce du commissaire-priseur avait figuré à différents intervalles dans le supplément du Times, pendant les 12 derniers mois, agréablement varié par quelques petites touches de couleur dans la description, de telle sorte que sa vétusté échappa à l'attention des chercheurs de maison. Plusieurs jeunes gens ayant le goût des plaisirs champêtres et de la solitude vinrent visiter l'ermitage et s'en étaient allés généralement dégoûtés et découragés. Des officiers en demi-solde, à la recherche d'une habitation à bon marché et préparés à supporter beaucoup sous le rapport de l'humidité et de la négligence, arrivèrent à Roxborough tout gonflés d'espérance et retournèrent à Londres abattus par le désespoir. L'humidité était par trop grande, la solitude trop absolue. L'écusson de pierre de la porte rappelait trop à la maison hantée du mélodieux Thomas Hood. Les temps sombres et les radeaux qui barbotaient révélaient trop clairement les meurtres qui avaient été commis autrefois, et le chercheur de maison s'arrêtant pour se rafraîchir avec une bouteille de pale ale aux armes de Scarsdale, juste en dehors des portes du parc, pouvait entendre raconter une des plus sanglantes versions de l'histoire de la folle poussant des cris et du duel à mort. Aussi, depuis près d'un an, l'ermitage était-il resté inhabité, excepté par une vieille femme sourde qui vivait en termes d'amitié avec les rats et les souris et qui était censée tenir la maison en ordre. Les derniers locataires avaient été quelques jeunes chasseurs dissipés qui avaient ri de la négligence et de l'humidité, s'étaient moqués des souvenirs, des apparitions et des récits ténébreux et avaient commis un terrible ravage parmi les réserves de Sir Gaspard. Ils avaient consommé une douzaine et demie de bouteilles d'eau-de-vie française dans l'espace d'une semaine et avaient été plus d'une fois sur le point de mettre le feu à ce désirable rendez-vous de chasse, agréablement situé sous les terres d'un gentleman. Cette année, ces jeunes chasseurs s'étaient réunis pour louer une bruyère en Écosse et pendant longtemps, on avait cru que l'ermitage resterait vacant tout l'hiver. Un matin d'octobre, la femme de charge de Sir Gaspard avait reçu une lettre du baronnet, voyageant alors en Italie avec Marcia Denison, sa fille et sa seule héritière, qui la prévenait qu'on avait trouvé un locataire pour l'ermitage. Que ce locataire devait arriver le 15 octobre de l'après-midi par l'express de Londres. Qu'il semblait être d'un caractère très méthodique, puisqu'il avait d'abord écrit de Marseille au sujet de l'annonce faite dans le Times et répondu à la lettre du commissaire-priseur contenant les détails demandés, en louant définitivement la maison et en annonçant son arrivée à Roxborough pour un certain jour et par un certain train. Il était arrivé tout récemment de l'Afrique centrale, son nom était Pounceforth, et pour donner des renseignements sur son compte, il priait de s'adresser à un homme d'affaires très respectable, d'Austin Friars. En ce moment, la prochaine arrivée de n'importe quel locataire aurait fait le sujet des conversations des domestiques de Sir Gaspard Denison, qui trouvaient les longs jours d'été et les longues soirées d'hiver très difficiles à passer pendant cette ennuyeuse période où on leur payait leur nourriture en argent et pendant laquelle ils n'avaient qu'une livre de beurre par personne, une demi-épaule de mouton par-ci par-là, et vivaient avec cette parcimonie générale qui distingue la table des domestiques d'un gentleman quand ils sont livrés à leurs propres ressources, comparé à la noble libéralité avec laquelle ils dispensent les biens mis à leur disposition par leur maître. Les domestiques de Sir Gaspard trouvaient leur vie très plate, très misérable et sans aucun profit pendant l'absence prolongée du baronnet et de sa fille. Ils étaient donc enchantés de saisir quelques bribes de conversation et n'étaient pas disposés à abandonner cette nourriture intellectuelle sans l'avoir rongé jusqu'à l'os. N'importe quel locataire ne pouvait qu'être une bonne aubaine pour l'ermitage, mais un locataire qui arrivait du centre de l'Afrique était un inestimable bonheur au point de vue de la conversation. Les questions qu'amena une telle circonstance pouvaient à peine devenir fastidieuses, car elles n'étaient presque jamais d'une nature à ce qu'on pût y répondre. Elles étaient sans fin. un locataire arrivé de l'Afrique centrale pour habiter le rendez-vous de chasse de Sir Gaspard. Mais ce locataire venait-il réellement de l'Afrique centrale? Et si ce locataire arrivait réellement de l'Afrique centrale, quel était le puissant motif qui l'amenait d'un point de vue du globe à l'autre pour occuper le pavillon de chasse de Sir Gaspard? Il y avait chaque soir de chaudes discussions dans la chambre de la femme de charge sur le locataire, aussi bien que sur ses habitudes possibles et ses desseins probables. Que ferait-il selon toute vraisemblance? Que ne ferait-il pas certainement? Qu'aimerait-il et que n'aimerait-il pas? Étaient autant de points qui se débattaient sur cette grande question dans le petit conciliabule. Et pendant ce temps, la semaine avait paru d'une longueur sans fin, et le jour indiqué par Sir Gaspard était arrivé. Chaque homme et chaque femme de la maison de Scarsdale s'était formé un idéal particulier du locataire qui allait arriver à Roxborough par l'express de 7h20. Il y avait un être privilégié qui allait jouir le premier du bonheur de voir le voyageur de l'Afrique centrale. Cet être fortuné était un groom qui, selon le désir exprimé par Sir Gaspard, que son nouveau locataire fût traité avec toute la courtoisie possible, avait été envoyé par la femme de charge conduire un certain poney-chaise à 4 roues de la station de Roxborough pour la commodité du voyageur attendu. Malheureusement, par cette destinée particulière qui place perpétuellement les hommes carrés dans des trous ronds et vice-versa, le groom en question se trouvait être un personnage stupide, tout à fait incapable d'apprécier le privilège qui lui était accordé. Il alla à Roxborough à la rencontre du nouveau locataire, aussi froidement que s'il eût été chercher un cheval de trait pour la ferme. Comment reconnaîtrait-il le locataire? Cette question fut dûment discutée. La ville de Roxborough et le dépôt militaire de Castleford qui y touche, étant des endroits où il se fait beaucoup d'affaires, il y aurait vraisemblablement plusieurs voyageurs par l'express de 7h20. On décida que dans ce cas, le groom devait se fier à son instinct et se laisser gouverner par les circonstances. D'ailleurs, il serait très probablement guidé par l'aspect bronzé qui devait inévitablement distinguer un voyageur nouvellement arrivé de l'Afrique centrale. Les dernières instructions de la femme de charge au jeune homme lui enjoignaient de chercher parmi les arrivants un gentleman au teint brun, suivi par un domestique et pourvu d'une quantité inusitée de bagages. Le jeune homme remémora sur le bout de ses doigts trapus les instructions qu'on lui avait données, puis ensuite dirigea sa voiture à travers ces délicieuses forêts qui, pour les voyageurs qui passent par hasard, semblent profond mystère de taillis et de fougères. Il s'enfonça dans les sombres avenues de chênes et d'ormes et prit la route sinueuse qui côtoie la Meurdrid, dont les eaux profondes baignent les murs du château de Roxborough, qui, vu au soleil couchant, paraissent grands et sombres. 20 minutes après 7h, le cri perçant de la machine fendit l'air calme du soir en arrivant près de la station. Naturellement, la station de Roxborough était située loin de la ville et semblait jetée par hasard au milieu d'une étendue lugubre de marécages et de désolation. Si elle eût été autrement située, elle n'aurait presque pas eu l'air d'une station. Le groom privilégié, à la tête de ses chevaux, devant la porte par laquelle les voyageurs du train devaient sortir, attendait très patiemment le moment de faire son examen. Ce n'était pas un trop stupide garçon, après tout. Il manquait plutôt des hauts attributs de l'idéalité et de la puissance réflective que de la faculté de percevoir, car il ne fit aucune méprise dans l'affaire qui lui était confiée. Il attendait un gentleman au teint bronzé, et le gentleman au teint bronzé arriva. C'était un homme grand, paraissant fort et musculeux, ayant une couverture de voyage sur les épaules, un petit porte-manteau à la main, mais sans aucun domestique. Le gentleman au teint bronzé marchait d'un pas précipité quand le groom s'élança un peu en avant en touchant spasmodiquement son chapeau pour tâcher d'attirer l'attention de l'étranger. « Sir Gaspard Denison, monsieur, dit-il, m'a envoyé, monsieur, avec chevaux et voiture pour vous conduire à l'ermitage. » « Si cela vous plaît, monsieur. Les ordres de mon maître ont été d'être très attentif, et Madame Browning a pensé que... Ah, tu es venu au-devant de moi, répondit l'étranger. C'est très bon et très poli à ceux qui t'envoient. Il y a loin, alors, je suppose, d'ici à l'ermitage. 4 bons 1000 et demi, monsieur. Prendrai-je votre porte-manteau, monsieur ? Le petit porte-manteau fut placé dans le phaéton, et l'étranger prit place à côté du groom. Le groom, par constitution, était sot. L'étranger est habituellement silencieux. Ils dirent donc très peu de choses pendant le trajet de 4 000 et demi. Le voyageur fit 3 questions. « Sir Gaspard Denison a-t-il le logis ? Serait-il vraisemblablement longtemps avant de revenir dans ses foyers ? Y a-t-il plusieurs maisons de campagne dans le voisinage de Scarsdale ?» Quand le locataire parlait, il le faisait très agréablement, mais très brièvement. Après avoir parlé, il retombait dans le silence. Et le groom, en l'observant, comme c'était son devoir, vit qu'il était très brun, qu'il portait des moustaches épaisses, une barbe strictement coupée carrée, et qu'il faisait bon usage de 2 yeux noirs qui regardaient de ci de là à travers l'obscurité naissante, remarquant tous les changements qui s'opéraient dans ce paysage rustique. L'ermitage paraissait très gai à la nuit, car la vieille femme sourde avait reçu des ordres de la grande maison et avait allumé de grands feux de bois dans les 2 pièces les plus habitables. La clarté de ces feux projetait une lueur rouge au travers des croisées et faisait un agréable contraste avec la sombre nuit d'octobre. « Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous servir, monsieur, puisque votre domestique n'est pas encore arrivé, » dit le groom, comme il descendait à la porte de la maison. « Dois-je revenir lorsque j'aurai rentré le cheval ?» Le voyageur africain sourit agréablement à cette offre. « Mon brave garçon, tu es très bon, mais je n'ai point été jusqu'au bout du monde pour ne pas savoir me passer des services d'un valet de chambre. Mon domestique arrivera demain avec mon bagage. Jusque-là, je ne désire rien que du feu, de la lumière, du pain et une tasse de thé. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un dans la maison. Oui, monsieur, il y a une vieille femme, la mère de Jim Thursgood, le régisseur de la ferme, une femme très respectable, monsieur, mais extraordinairement sourde. Serait-elle capable de me procurer ce que j'ai l'intention de lui demander ? Dis, je te prie, à la femme de charge de Sir Gaspard Denison, que je la remercie de la politesse qu'elle a eue de m'envoyer le phaéton. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien les remerciements, monsieur. Le stupide groom porta la main à son chapeau et s'en alla plus riche d'une couronne que le nouveau locataire lui avait glissée et très content du résultat de sa course. Le locataire entra dans l'ermitage. La vieille femme de charge sourde s'agitait en lui faisant de continuelles révérences sur le seuil de la chambre éclairée. Le voyageur africain s'assit près du feu dans un grand fauteuil à l'ancienne mode et ôta son chapeau. Ce mouvement laissa voir une belle tête, ayant quelque chose de noble, couronnée par une forêt de cheveux noirs très courts. Il jeta un regard tout autour de la chambre basse, à panneaux de chêne, avec un air grave et contemplatif, dans lequel il n'y avait ni curiosité ni intérêt. Et cependant, cette pièce paraissait assez agréable et assez joyeuse ce soir-là, comme presque tous les appartements, lorsqu'on les voit à la clarté brillante de grosses bûches flambant dans un grand foyer ouvert. Les noires boiseries de chêne, les vieux et bizarres bureaux dont les serrures et les poignées en cuivre jaune brillaient sous une lumière incertaine, la 8e heure du jour sonnant tristement dans un coin sombre, les vieux vases en laque de Chine si souvent cassés et si souvent accommodés qu'ils n'étaient plus qu'un véritable rapiestage de porcelaine, les plumes de paon et les toutes petites tasses indiennes sur la cheminée, les fauteuils à l'air refrogné, les tapis de Smyrne fané, tous ces objets avaient quelque chose de pittoresque dans leur laideur, et un voyageur qui avait dormi sous la tente, sur le plateau pierreux de l'Amada, pouvait se considérer comme très confortablement établi dans le salon ordinaire de l'ermitage. Après ce long regard contemplatif, Pounceford prit un trousseau de clés dans la poche de son gilet et ouvrit le petit porte-manteau qu'il avait jeté sur la table près de lui. C'était un vilain petit porte-manteau écorché, graisseux, déchiré, délabré, orné plus ou moins d'étiquettes de presque toutes les compagnies de chemin de fer de l'Europe. De ce porte-manteau, Pounceford tira une petite boîte en fer blanc, une pipe d'écume de mer et un paquet de thé. La vieille femme demanda au gentleman s'il avait besoin de quelque chose. « Une théière, un peu d'eau bouillante, une tasse et une soucoupe, » lui répondit Ponsford brièvement. Elle s'en alla dans les régions éloignées situées sur le derrière de l'ermitage et revint presque aussitôt avec le plateau à thé traditionnel, un gros pain, une livre de beurre à peu près, et une bouilloire qu'elle mit sur les bûches rouges, une bouilloire sifflant, crachant, faisant du tapage, dont la voix résonnait agréablement dans la chambre éclairée par le feu. Puis la vieille femme demanda avec force politesse, « N'y a-t-il plus rien que je puisse faire pour vous, monsieur ?» Elle était très désireuse d'être retenue par l'étranger. Elle était généralement attachée au service de Cottage, et elle avait gardé un souvenir agréable des jeunes fous de l'année précédente, qui, ayant laissé leur bouteille d'eau-de-vie dans un buffet non protégé par des verrous, n'avaient jamais été tout à fait certains si leur femme de charge n'avait pas été dans un état chronique d'ivresse durant tout le temps de leur séjour à l'ermitage, ou si l'état normal de la vieille femme n'était pas d'avoir l'intelligence très brumeuse et de presque toujours chanceler sur ses jambes. Le locataire de Sir Gaspard étant resté seul, fit son thé d'après une méthode qui appartenait plutôt à un voyageur à l'étranger qu'aux habitudes domestiques. Il prit une grande poignée de la matière brute, la jeta dans la théière, qu'il remplit d'eau bouillante. Puis il la plaça dans les cendres légères sur le bord de la large pierre de l'âtre. Alors il remplit et allumait sa bien-aimée pipe en écume de mer et resta longtemps assis, envoyant dans l'air de gros nuages de fumée et regardant tout rêveur les bûches rouges qui devinrent d'abord plus ardentes, puis peu à peu s'éteignirent en jetant seulement de temps à autre quelques petits jets de flammes bleues et jaunes au moment où elles se brisaient et se changeaient en une masse de cendres grises et fragiles. Quel est l'aspect du locataire vu tantôt à la clarté, tantôt à la demi-obscurité de cette lumière vacillante? Quel effet fait-il? Et y a-t-il en lui quelque charme particulier qui peut nous intéresser tandis qu'il est assis tristement, fumant sa grosse pipe culottée et regardant ce feu qui s'éteint? Il n'est pas beau, non, pas dans la commune acception du mot qui implique, je suppose, quelque chose de parfait comme forme et comme couleur. Il a des traits forts, hardiment dessinés, des yeux profonds et pensifs brun noir ou gris brun. Il n'est pas facile de déterminer leur couleur précise à cette lumière incertaine. Il y a un peu de mélancolie dans la gravité excessive de sa figure, une ombre constante qui fait paraître cet homme plus âgé qu'il ne l'est réellement. On devine qu'il doit avoir quelque chose comme 35 à 40 ans, mais on est convaincu instinctivement qu'il paraît plus vieux que son âge, et que les quelques rides qui apparaissent là et là sur son visage ont été creusées profondément et soudainement par les soucis et non marquées doucement par la touche graduelle du temps. Il pose sa pipe de temps à autre pour verser son thé, infusion noire et forte, telle que Hazlitt, le critique, se la préparait. Ponsford versait le brun fluide dans une tasse et le buvait sans aucun accompagnement étranger de lait ou de sucre. Il était tard au moment où il finit la noire décoction, et la vieille femme vint lui demander s'il n'avait besoin de rien de plus. « Non, rien, merci. Ma chambre est en haut, je suppose ?» demanda Ponsford. « Oui, monsieur. » « Alors vous pouvez aller vous coucher quand il vous plaira. » Madame Thursgood salua et se retira dans les régions inconnues qui lui étaient affectées. Le locataire remplit et alluma sa pipe en écume de mer pour la seconde fois, excita les pâles bûches avec le talon de sa botte et jeta quelques nouveaux morceaux de bois dans le foyer. Les aiguilles de l'horloge rauque qui était dans un coin marquaient 10 heures passées. Mais Ponsford n'avait évidemment pas encore l'intention d'aller se coucher. On ne doit pas s'attendre à ce qu'un explorateur de l'Afrique puisse être fatigué par un voyage de Londres à Roxborough. Il ouvrit un dos chassé de la fenêtre et jeta un regard sur les bois tranquilles. La lune s'est élevée, une jeune et pâle lune encore, mais déjà s'est avancée pour répandre une faible lueur argentée sous laquelle les bois silencieux, les temps toujours sombres, les superbes sentiers de fougères enlacés paraissait merveilleusement beau. Le locataire de Sir Gaspard s'était laissé tomber sur une chaise posée près de la fenêtre. Il avait croisé les bras sur l'allège. Elle resta longtemps assis, sans bouger, tout absorbé, et regardant droit devant lui avec une expression de solennelle mélancolie. « Un bois anglais, » murmura-t-il à la fin. « Des fougères anglaises, un feuillage anglais. » « Comme tout cela me semble charmant, et d'une beauté inexprimable après la luxuriante fertilité des tropiques, la brûlante stérilité du désert, la gigantesque horreur des montagnes africaines sous un ciel d'Afrique. 15 ans. 15 années de fatigues inutiles depuis que je n'ai mis le pied sur le territoire anglais, et j'ai eu le courage de revenir. J'ai pensé quelquefois que c'était un pressentiment qui me faisait revenir mourir au gîte, dit le vieux proverbe. J'ai vu les os des voyageurs blanchis dans le sable jaune, et me suis peu soucié de mourir en Afrique. J'aime mieux me reposer sous une croix de bois dans un cimetière champêtre, à l'ombre éternelle d'un vieil if, et avec le sonore tintement des cloches du village pour me bercer dans ma tombe.